Ouais. Des bébés, des doubles, des deux hauts de bain. Du K-I-L-L-D-O-C. B-A-L. 10-04-78. Né dans 7-7. Nzouzi et Simba, la bonne recette. Maman voulait deux filles, mais elle a eu de belles bêtes. La haine que les prénoms ont été donnés par Tantine Julienne. Une décennie plus tard, rencontre avec notre passion. Mino comme tout le monde, on élargit notre champ de vision. De vrais fous à chanter à toute minute, à toute heure. Dans ce temps, il n'y avait ni Facebook, ni Twitter. Surtout ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Et sur ce que je suis, ne te trompe pas. Je pense au conseil donné par Don Lickshot. Quand nous allions au stadium Squatch, les embrouilles à gunshot. Salah et Denem, le diamant noir, Chaban Rang son pull-up. Les émissions de Bully Bike, les Air Sonic on mash-up. On avance mais on roule sur les jantes. On avait ramené Dragon Devi un week-end chez ma tante. Comme des anges sans ailes, on est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. Ce mouvement était à nous, on le tenait. En marchant sur l'avenue, Léon Blum demanda pas Eva, on savait. Petit vampire, devenu des zombies. Tu sais comment ça commence, mais jamais quand ça. Conclusion, faites ce que vous savez faire vous-même. Moi j'aime le rap et le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap et le rap même comme toi. J'aime le rap et le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap et le rap même comme toi. J'aime le rap et le rap même. Je te parle d'un temps que les moins de 25 ne peuvent pas connaître. Quand les négros ne portaient pas la crête, on attendait que le grand frère quitte le checks pour aller béflant au collège avec ses baskets. À chipper, à choper et les Jackson 5. Merci Shuga, on a découvert le Dina Style. Cachin pour l'image, l'émission Rap Line nous rendait malades au cinéma, la haine ou le film Rai. Au plaisir, on a fait nos premières armes à LMAS. T'inquiète, c'est soit le pompe, soit la lame. Équipe de choc sur la ligne 13, poupée doit se rappeler. Comment se passer nos après-midi au chapelet. Avec mon gars Pijay, première X. Maman ne voulait pas qu'on aille voir B.I. au Zénith. Premier concert avant que Hassan devienne cocktail. 7 piges après on sort l'album avec Eben. Amen. Le rap a longtemps vécu dans le 18ème. C'était la street, que de la musique, des lyrics, pas d'oseille. Des freestyles, des impros, des clashs à en vomir. Oui l'espoir ne fait pas vivre, mais nous aide à tenir. New Generation, Assassin Solar, IAM. Mimisphère amer nous parlait plus que les NTM. Positif syndicat, TSC, les Little EGM m'ont fait aimer le rap, maintenant le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap, ouais, et le rap même comme toi. J'aime le rap, et le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap, et le rap même comme toi. J'aime le rap et le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap, j'aime le rap et le rap même comme toi. J'aime le rap et le rap même. On est passé des bébés, des doubles, au de B-A-L. On n'a pas lâché, notre amour pour le rap est éternel. J'aime le rap et le rap même comme toi. J'aime le rap et le rap même. Meow. Meow. Meow. Meow.